Les bleuets fortins du 555 d'Aquin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, bleuet fortin aussi. Bleuet fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Chez Dolbeau Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuet à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invitent les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. Le propriétaire du magasin. On va parler avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean. Benoît, qui va être honoré en fin de semaine prochaine. Salut Benoît. Salut Dan, Radio Sport. Salut Danny. Benoît, on va en parler plus. On fait deux entrevues cette semaine. Une pour parler plus davantage de ça, mais on va quand même en parler un petit peu. Être honoré, ça doit faire quelque chose au cœur pareil. Ça prouve à quelque part qu'on est reconnaissant envers ce qu'on a fait. Oui, ben oui, effectivement, Danny, c'est... On aurait pu t'envoyer... ça aurait rien de faire. Là. Moi, je trouve ça gentil. Oui, c'est gentil, puis je trouve que l'idée du club Le Boreal dans le Mois, les gens du conseil d'administration et puis le président Patrick Mignot ainsi que Pascal Fortier, directeur sportif du club, ont une très bonne idée, mais je veux dire, oui, c'est moi qui se retrouve là, mais je veux dire, l'idée, c'est de donner ça chaque année à des gens qui ont participé à bâtir ce club-là, donc l'idée est excellente, puis là, ben ça donne que je fais partie de ce groupe-là, lors des années 2000, là, 2000 à 2004, j'étais de donner un bon coup de main à l'évolution du soccer à Alma et au Lac-Saint-Jean-Est, je te dirais. On va en parler plus comment ça s'est passé et ainsi de suite, parce que ça ne devait pas être facile à quelque part de partir en club de soccer en 2000. Donc, on va en parler plus au cours de l'entrevue de jeudi. Je veux te parler aujourd'hui du Mercato. Il y a également le match des étoiles de la MLS. On va vider tout de suite la question du match des étoiles de la MLS. C'est Atlético Madrid qui va affronter les étoiles de la MLS. Moi, j'ai toujours trouvé qu'après le baseball, c'est probablement le meilleur match des étoiles parce qu'évidemment, on veut. C'est un match des étoiles, mais à quelque part, on veut quand même prouver que la MLS est pas loin des grands circuits. Oui, mais c'est certain. Mais la MLS, quand tu regardes un peu, on peut facilement les mettre dans les 10 plus grands circuits sur la planète. Tu te souviens de l'entrevue qu'on a déjà faite avec Marc Dos Santos qui a rendu entraîneur-chef à Vancouver? Ouais. Il l'avait même mentionné. C'est sûr que tu as les 5 gros championnats européens. Tu en as quelques-uns aussi intéressants. Puis tu as l'Amérique du Sud, mais la MLS est pas loin derrière. Mais c'est sûr que on les comparera pas à la Première Ligue en Angleterre ni à la Liga espagnole. Mais c'est sûr que le match des étoiles, c'est pour reconnaître, bien entendu, encore les gars qui ont fait une bonne saison. Les joueurs, les vétérans stars de la planète foot aussi, les Rooney et compagnie. L'Atlético Madrid qui a fait un match amical contre le Real Madrid aux États-Unis. On sait qu'ils ont remporté cette victoire-là. Mais l'Atlético, on sait que cette année, leur gros nom n'est plus là. Griezmann qui est maintenant rendu avec le FC Barcelone, une grosse surprise. Donc, intéressant quand même parce que l'Atlético Madrid demeure un des gros clubs là, dans la Liga espagnole. Prestigieux aussi. Là. Oui, prestigieux. Écoute, on est allé au stade en 2018 avec mes élèves, le Wanda Metropolitano, super ambiance et un des beaux stades là, moi, que j'ai pu voir là, dans les stades que j'ai vus en Europe. Là. OK. Dis-moi, Benoît, ce soir, c'est le concours d'habileté. J'ai jamais vu le concours d'habileté au soccer. C'est quoi? Ben, concours d'habileté, j'ai pas été voir Danny quels étaient vraiment les concours. Sauf que je pourrais te dire que il y a de la jonglerie. Est-ce qu'il y aura un petit peu de Comment est-ce qu'on va faire? On va faire peut-être un genre de skill challenge qu'on appelle, là. Il y aura sûrement des concours de vitesse, de contourner les cônes, ouais, des choses comme ça. Il peut y avoir plein de choses au niveau de la vitesse, au niveau du tir, la puissance des tirs aussi. Il peut y avoir aussi un concours de penalty aussi. Il peut y avoir, je regarde un peu sur le site de la MLS en même temps que je te parle, là, puis je vois qu'il y a différents aspects, là. Le shooting, ils semblent mettre des cibles dans les buts. Touch and volley, on dirait que ça va être des tirs au but à la volée. Et il y aura des passes, un joueur qui va faire des passes avec des zones avec un système de points. Alors ça semble être ça un peu là, les concours de cibles qu'il va y avoir. Là. Il semble y avoir trois jeux. Là. J'ai hâte de voir maintenant à voir là, qui va faire ces exercices-là. Je pense que ça va être intéressant de voir ça là, ce soir. OK, donc c'est à 20h ce soir, le match qui est à Orlando en passant le match des étoiles. C'est toujours intéressant. Le mercato maintenant qui se poursuit. Écoute, il se passe quoi avec Neymar? Ça fait quand même 2 ans que Neymar est parti. Tu te rappelles la folie que ça avait faite? Est-ce que tu penses que Neymar avec le PSG, c'est un échec total? Ben, c'est pas un échec total, sauf que Neymar, 2 dernières années, quand il est venu dans des 8e ou quart de finale à la Ligue des Champions, on le sait, hein. On n'est pas allé chercher Neymar pour remporter le championnat français, là. On n'a pas besoin de lui. On est allé chercher Neymar pour la Ligue des Champions. C'est ce qui manque au Paris Saint-Germain pour rentrer dans les grands clubs en Europe. On les considère comme un grand club parce qu'ils ont tellement de grands noms avec eux, mais ils n'ont pas encore remporté. Le club n'a pas encore remporté une Ligue des Champions. Et tant que ça ne sera pas fait, on n'embarquera pas dans les gros clubs. On sait qu'en France, il n'y a que l'Olympique de Marseille, je pense en 1993 ou 94, l'année, je pense, qui a remporté la Ligue des Champions. Donc, le championnat de France est vraiment en arrière sur les autres pays là, en Europe là, pour ce qui est de la Ligue des Champions. Mais tout ça, la Ligue des Champions égale argent, égale cash. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Maintenant, pour revenir à Neymar, il a été blessé les 2 dernières années au moment important de la saison. On va se rappeler l'année passée contre le Manchester United. Il était pas là. Là, ce que je viens de vous lire encore, c'est que l'entraîneur Thomas Tuchel, il l'a mentionné, il est dans le vestiaire, il s'entraîne, donc c'est mon joueur. Donc, pour l'instant, Neymar est encore avec le Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'aller au Barça avec l'arrivée de Griezmann, je pense que ça n'arrivera pas. On a même entendu parler du Juventus. Est-ce que ça se pourrait aller jouer avec Ronaldo? Ça serait spécial de voir ça. On a même entendu dire Real Madrid. Bon, ben là, des rumeurs sont ouvertes, mais moi, j'ai l'impression d'Annie qui va rester avec le Paris Saint-Germain. Mais est-ce que Neymar va... Donc, ça veut dire que si on se débarrasse de Neymar, on oublie quand même la Ligue des Champions pour les prochaines années? Non, pas nécessairement, le Paris ouais. Saint-Germain. Mais c'est embêtant, Annie, d'avoir des grosses têtes comme ça dans le vestiaire, dans l'équipe, la chimie de l'équipe, c'est important. Là. Au départ, il y a une bonne chimie d'équipe. Si ça ne fonctionne pas nécessairement avec le club, avec tel ou tel joueur, tel type de joueur, qu'il soit là, et peut-être qu'ils vont partir et ils vont gagner la Ligue des Champions. Ça veut pas dire qu'ils gagneront pas. C'est une chimie, ça dépend de la chimie aussi. Là. C'est certain que si Neymar s'en va, on aura des sous pour aller racheter d'autres joueurs. Parce que là, écoute, les deux gros canons, c'est Neymar et Mbappé. Et c'est certain que Mbappé est là. À voir là, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là. OK. Parle-moi des autres transferts. Et Gareth Bale, je pense, qui est... Lequel? Gareth Bale. Gareth Bale, ça semble pas encore... Zidane, dans la tournée aux États-Unis, a pas fait jouer beaucoup Bale. On a vu que le transfert, il devait partir, même s'en allant en Chine, si ça ratait un gros, gros transfert. Bale est à la recherche d'un gros contrat. Il veut faire du gros cash. Gareth Bale, est-ce qu'il sera en Angleterre? J'ai hâte de voir. Pour l'instant, il n'y a rien de fait encore. Il ne semble pas simple. Je viens de voir aussi Angleterre, Franck Ribéry. Il irait peut-être il y a 3 options, Angleterre, Brésil ou Arabie Saoudite. J'ai hâte de voir ça aussi. Ça n'aurait pas été mauvais, ça, pour l'impact, ça. C'est un gros nom, Ribéry, là. Oui, mais c'est sûr que ça aurait soulevé les passions à Montréal, là. Ouais. Ça aurait... ça aurait peut-être pas été aussi gros que Drogba, mais encore là, Ribéry, c'est un gros nom des 10 dernières années. Moi, je te dirais que j'aurais adoré de voir arriver Ribéry à Montréal. Bon, mais là, regarde, tu vois, l'Impact a remporté un gros match la semaine dernière, 4-0. C'est pas long, l'Impact. On gagne un match ou deux, puis le monde est reparti. Mais il y a un nouveau Finlandais qui est arrivé, joueur de la semaine, justement, dans la MLS. Mais regarde, l'Impact ne semble pas en vouloir de gros noms. Alors, ouais. On va en reparler dans quelques instants. Danny, l'impact, les gros noms et puis les régions. Puis après ça, on se lamente. Donc, il y a Dybala qui lui s'est rapproché de Manchester United. Ah, Dybala avec le Juventus, oui, mais c'est ça, c'est toujours des rumeurs. Fait qu'écoute, ouais. Danny, si on peut attendre, moi je pense encore une semaine ou deux, là, c'est pas terminé là, les transferts. Il faut attendre parce qu'il y a tellement de rumeurs à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ok. Donc, on va surveiller ça. Maintenant, je vais te laisser après la pause. On va juste parler de. T'es allé à Montréal à l'entraînement de Manchester United, mais à Madrid. Ouais, tu m'en parles. Parler d'avis finalement. Non, donc dans quelques instants, on revient avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Chez Dolbeau Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à $176 aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à $183 aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuet à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invitent les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. Le propriétaire du magasin. Les Bleuets Fortins du 555 Dequin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le Bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le Bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, Bleuet Fortin aussi. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Benoît, je pensais que tu y avais été, mais finalement tu me dis avant la pause que tu n'y avais pas été. Mais parle-moi quand même, ça veut dire quoi ça? Que 20 000 personnes s'en vont à un entraînement du Real Madrid, ça veut dire qu'il y a un potentiel pour le soccer. Ça veut dire qu'il y a un potentiel. L'année, j'avais acheté mon billet, mais force majeure, j'ai pas monté. Finalement, le stade était plein. Ça nous démontre qu'il y a de l'intérêt pour les stars à Montréal. Le monde aime ça, on en veut. Moi, c'est ça qu'on revient encore à ce qu'on a parlé tout à l'heure avant la pause de Frank Ribéry. Moi, j'ai hâte qu'un Impact revienne avec un gros nom, mais je pense pas qu'avec les airs, sous l'air de Rémi Garde, je pense pas qu'on voit ça directement, mais moi, ça me surprendrait pas. Peut-être qu'avec un Kevin Gilmour dans les prochaines années, ça pourra arriver, j'ai l'impression. Surtout qu'on a eu quand même, on a eu l'effet que ça a fait de Drogba, là. Oui, mais il faut être capable de gérer le joueur, hein. Si on fait un joueur comme ça, il faut absolument que le club le gère de la bonne façon, que ça se passe bien, que ça se termine bien, pas comme Drogba, ça s'est terminé en queue de poisson. Fait que c'est ça qui est important aussi à travers ça. Ces gars-là sont en fin de carrière, il faut pas il faut que ça soit bien fait là. Mais avec Rémi Garde qui a géré dans sa carrière avec Marseille. Ouais, mais garde pour l'instant, je te dirais à voir, là, tant que l'Impact est encore dans... Là, on va arriver en fin de saison tantôt, quand tu regardes le classement de l'Impact, on est en sixième position. Écoute, c'est serré. C'est sûr qu'on est à trois points de la troisième place, même de la deuxième place, OK, Danny? On est à 33 points, mais aussi, on est à un point de la neuvième place aussi. Fait que tu vois, Tu vois comment c'est serré dans la MLS, tu sais. Puis si tu amènerais l'Impact dans la division de l'Association Ouest, mais c'est à peu près le même classement, c'est le même classement un peu. Tu regardes Vancouver qui traîne la patte cette année avec Alphonso Davies qui est plus là, et tu regardes Toronto qui, eux, Toronto, sont présentement en 8e place, un point de Montréal avec un match en main. Fait qu'on va avoir une belle fin de saison. Oui, on a eu Lassie Lapalainen en fin de semaine qui a marqué 2 buts. Oui, ça a donné un beau match à Montréal contre Philadelphie qui est en tête, donc une grosse victoire de 4-0. Mais puis c'est surprenant d'année parce qu'une victoire de 4-0 contre l'Union de Philadelphie avec 36% de possession de balles. 36%, ça veut dire que c'est Philadelphie qui a monté le jeu tout le long du match. Ouais. Qui ont dominé, qui ont eu la possession du jeu tout le long du match. Donc, j'ai l'impression qu'on va finir la saison avec de temps en temps une annonce comme ça. Un joueur comme on a eu, Bologne, va peut-être prêter un joueur ou deux. Ah ouais. Des affaires comme ça, j'ai hâte de voir. Mais puis c'est sûr que si Piatti est en forme et de retour, on voit qu'est-ce qu'il apporte sur le terrain. Très important de revoir Piatti, mais il doit être fragile au niveau des blessures. J'ai l'impression qu'il va partir. Oui, moi je pense aussi. Ça ressemble pas mal plus à ça. Benoît Lavoie d'Espace Soccer, on s'en reparle jeudi. On va jouer que tu me racontes un peu comment c'est parti le club boréal d'Allemagne. Oui, Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer au Seigneur Saint-Jean.